Ed Niomungere. C'est un plaisir de vous retrouver en 2019. Meilleurs vœux à tous. C'est le plaisir également qui m'est joint pour vous présenter la première édition de la mi-journée pour 2019. D'abord, les principaux titres. Les femmes allaitantes et enceintes, d'autres ayant purgé la moitié de leur peine ou n'excédant pas 5 ans, vont bénéficier de la grâce présidentielle pour l'année 2019, a proclamé le président burundais Pierre Nkurunziza dans le discours à la nation. Et la nuit du nouvel an a été célébrée dans toute tranquillité, sauf une dizaine d'accidents enregistrés selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes. Et le ministère de l'Éducation annonce que les activités scolaires du deuxième trimestre vont débuter jeudi, le 3 janvier 2019. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le passage de l'année 2018 à 2019 a été célébré en toute tranquillité sur tout le territoire national, rapporte le porte-parole du ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes. Malgré cela, précise Pierre Nkurunziza, une dizaine d'accidents ont été enregistrés, en plus de 3 corps retrouvés ce matin dans la commune Gatara de la province de Kayanza. Pierre Nkurunziza explique que ces disparus ont été tués jeudi dernier et que la femme de l'auteur a été arrêtée. Je vous prie de le suivre. La situation sécuritaire qui a caractérisé cette nuit a été globalement bonne, très bonne même sur toute l'étendue du territoire de la République. Nuit était quelques cas d'accidents de la route, une dizaine. Sinon, dans l'ensemble, il y a eu vraiment la quiétude. L'année a été terminée et l'autre a commencé dans la tranquillité totale sur toute l'étendue du territoire de la République. Et on apprend que dans la province de Kayanza, 3 corps ont été retrouvés. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des personnes qui ont été tuées au cours de cette nuit, ou bien il y a d'autres circonstances de leur mort? C'est une vieille maman et de ses parents, une fille et un enfant, qui ont été assassinés par un autre membre de cette famille. Celui-là les a assassinés jeudi passé. Il avait enfermé les cadavres dans la maison de cette vieille maman et personne n'avait su ce qui s'était passé. C'est hier qu'on a commencé à entendre le mouvement des chèvres à l'intérieur de la maison et puis on a commencé à se demander pourquoi la maison était fermée depuis. Tous au talent. On est parti vérifier et on a constaté ce matin qu'il y avait 3 cadavres. L'enquête a immédiatement commencé. Et maintenant, la police recherche très activement l'hôtel de ce forcé. Le message du ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes, c'est d'abord de souhaiter les meilleurs vœux à toute la population burundaise et de lui demander de rester toujours vigilante et de garder toujours la sécurité. Également, l'autre message est adressé particulièrement aux usagers de la route, les conducteurs de véhicules qui sont invités à respecter le code de la route et particulièrement le respect des vitesses légalement autorisées et pour pouvoir prévenir ces accidents qui seuls ont perturbé la bonne marche de cette période. C'était Pierre Nkurunziza, il est le porte-parole du ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes. Et les femmes allaitantes et enceintes qui sont en prison, de même que les prisonniers dont leur peine est prononcée ne dépasse pas 5 ans, vont bénéficier de la grâce présidentielle pour l'année 2019. Cela ressort du discours que le président de la République, Pierre Nkurunziza, a adressé ce lundi à la nation. Appelle également les Burundais encore en exil de profiter de l'an 2019 pour regagner le pays. Je vous prie de le suivre et traduire en français par Moïse Misako. Nous souhaitons que tous les Burundais qui sont encore à l'extérieur et qui souhaitent rentrer le fassent au courant de cette année 2019 que nous commençons. Et comme il est de coutume, nous les accueillerons avec l'honneur que nous réservons toujours aux rapatriés. Que cette année 2019 soit une année de rapatriement, la paix et la sécurité au Burundi ne sont plus à démontrer. Nous saisissons cette occasion pour demander aux pays qui ont accueilli les réfugiés burundais ainsi qu'au commissariat pour les réfugiés ACER de suivre cet appel que nous lançons aux nôtres et qu'il facilite la tâche à ceux qui souhaitent rentrer. Nous remercions vivement ceux qui ont déjà répondu à notre appel. Nous demandons aux citoyens burundais de se garder de tomber dans le piège des fauteurs de troubles qui se manifestent surtout à l'approche des élections. Soyez rassurés et rassurez-vous mutuellement. Restez sereins et vaquez à vos activités quotidiennes. Quant au reste, Dieu s'en occupera. Dans l'optique de renforcer la paix et la stabilité au pays, nous référons à l'article 114 de la Constitution, seront bénéficiaires de la grâce présidentielle tous les détenus dont leur emprisonnement ne dépasse pas 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes, ceux qui présentent un handicap physique remarquable, ceux qui ont purgé la moitié de leur peine et certains d'autres compte tenu de la gravité des crimes en charge et de leur comportement dans les prisons respectives. Dans ce même discours à la Nation de ce lundi, le président Pierre Nkurunziza remercie le personnel de l'Office burundais des recettes OBR pour avoir affiché un excédent de 10% des recettes qui était attendu. Encore une fois, le président burundais Pierre Nkurunziza, traduit en français par Moïse Misako. Dans le domaine de l'économie, les revenus continuent à augmenter d'une année à l'autre. L'Office burundais de recettes OBR, dont les prévisions annuelles étaient de 789 milliards de francs burundais, a en réalité collecté environ 900 milliards de francs burundais. Cela représente un excédent de plus de 10% par rapport à l'année 2017. Nous voudrions exprimer notre gratitude envers les agents de l'OBR pour le dévouement et le professionnalisme dont ils font preuve, même si parmi eux, des agents corrompus ne manquent pas. Ce sont ces fonds collectés qui nous permettent de réaliser de grands projets nationaux dans tous les secteurs. Au chapitre des grands chantiers, les routes asphaltées qui facilitent le mouvement des personnes et des biens dans la ville de Gitega, les feux tricolores qui régulent la circulation dans la ville de Bujumbura ont été respectivement construites et installées au moment où la route Bujumbura-Nyamitanga est en phase de finissage. Au cours de cette année que nous commençons, les travaux de construction des routes Kibumbu-Gitega, Bujumbura-Gatumba, Bururi-Gakuba, Nyanzala-Kirumonge, Rumonge-Gitaza vont démarrer. En marge de ces routes, le port de Bujumbura va être réfectionné et élargi. Nous demandons à la population tout entière à redoubler de vigilance pour surveiller la gestion de la chose publique et veiller sur les infrastructures publiques. L'avenir. 13h03 dans les studios de la radio Sanganiro. On poursuit ce journal avec la justice transitionnelle. Les rescapés des massacres de Rukarama en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura la nuit du 31 décembre 1998, réunis au sein de l'association des rescapés des massacres de Rukarama, demandant accès dans la clôture de l'aéroport international de Bujumbura où sont enterrés les leurs. Christophe Nhaouya, qui est la secrétaire de cette association, fait savoir que les leurs sont enterrés dans une fosse commune, mais regrette le non-accès où reposent plus de 600 corps. Je vous prie de suivre Christophe Nawiakir. C'était le 1er janvier 1998. La population du village de Rukarama s'est réveillée dans le bain des sangs dès lors. Et la population a été massacrée. Après le carnage, on a pu compter plus de 800 morts et disparus. Tous ces cadavres ont été déposés dans une seule fosse. À l'époque, parce qu'on les a enterrés dans le domaine aéronautique, alors que l'autorité de l'aviation civile avait un projet de faire la clôture de l'aéroport. Alors, on les a demandé de faire sortir d'abord les nôtres pour clôturer l'aéroport. Et ils ont refusé. Et on a dû faire la clôture. Nous souffrons beaucoup parce que nous n'avons pas accès à ce charnier. Alors, ce que nous demandons, premièrement, il y a une commission de vérité et réconciliation. C'est une commission vraiment que nous acceptons et que nous attendons beaucoup pour elle. Nous, ce que nous demandons le plus vite possible, nous demandons plus particulièrement aux autorités de l'aviation civile, là où les nôtres sont enterrés, de nous laisser une entrée pour parvenir aux nôtres. Parce que si nous n'avons pas accès, nous continuons à souffrir beaucoup. Une autre alternative, qu'ils puissent nous donner l'occasion d'exhumer les nôtres pour les enterrer dignement ailleurs, pour que quand même nous puissions avoir l'accès libre à l'autre occasion de la commémoration. C'était Christophe Nhaouya Akira, il est le secrétaire de l'association des rescapés des massacres de Rukarama. Et en éducation, le ministère de l'éducation informe le public et les élèves du fond fondamental, du poste fondamental en particulier, que les activités scolaires du deuxième trimestre vont débuter jeudi le 3 janvier 2019. Dans un communiqué sorti ce lundi, la ministre Janvier Ndila Hicha précise que les élèves internes sont accueillis ce mercredi à partir de 16h. Pour clore cette actualité, parlons de l'actualité internationale. En RDC, la coupure d'Internet crée un climat de suspicion. L'Internet est coupé depuis le 31 décembre au matin, selon les opérateurs de téléphonie. Cette mesure a été prise sur instruction du gouvernement qui n'a pas donné plus le moment de justification officielle. D'après Aubin Minaku, secrétaire général de la majorité au pouvoir en RDC et président de l'Assemblée nationale, des raisons sécuritaires justifierait cette coupure de communication dans le pays au lendemain des élections générales. Les candidats de l'opposition estiment que le gouvernement aurait pris cette décision pour empêcher un dépouillement en toute transparence. Et au Burkina Faso, le président décrète l'état d'urgence dans 6 régions. Le président Rochmak Christian Kabore a déclaré le lundi 31 décembre l'état d'urgence dans 6 régions du pays au cours d'un conseil extraordinaire des ministres en vue de lutter contre le terrorisme. Depuis 2005, les Burkinabés font face aux attaques terroristes et jeudi dernier, 10 gendarmes avaient trouvé la mort suite à une embuscade dans le nord-est du pays, non loin de la frontière malienne. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que les femmes enceintes et allaitantes et d'autres ayant figé la moitié de leur peine vont bénéficier de la grâce présidentielle, a proclamé le président burundais Pierre Nkurunziza dans un discours à la nation. Et la nuit du nouvel an a été célébrée dans toute tranquillité sur le territoire national, sauf une dizaine d'accidents qui ont été enregistrés, a rapporté le porte-parole du ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes. Et le ministère de l'Éducation a annoncé que les activités scolaires du deuxième trimestre vont débuter jeudi le 3 janvier 2019. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaïo qui assure la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Placide Niomongere. Nous vous souhaitons également un bon vœu pour tous. Au revoir.